Chapitre 36e. L'union ne fait pas toujours la force. Ainsi qu'il l'avait projeté la veille, le père et la fille s'acheminèrent le lendemain vers la demeure de Nicholas Higgins. Les vêtements de deuil qu'ils portaient, et la pensée qui leur vint à tous deux, que c'était la première fois qu'ils sortaient ensemble depuis bien longtemps, leur rappelèrent la perte cruelle qu'ils avaient faite. Ils se serrèrent l'un contre l'autre dans une muette sympathie. Ils trouvèrent Nicholas assis au coin de son feu, à sa place accoutumée. Mais contrairement à son habitude, il n'avait pas sa pipe à la bouche. Son coude était appuyé sur ses genoux et sa tête reposait dans sa main. Il ne se leva pas lorsqu'ils entrèrent, quoique Marguerite pût lire sur sa physionomie qu'il était aise de les voir. « Asseyez-vous, asseyez-vous. Voilà un feu qui ne va guère bien, » dit-il en allongeant un vigoureux coup de fourgon dans la cheminée, comme pour détourner de lui l'attention de ses hôtes. En effet, sa toilette était fort en désordre. Sa barbe noire n'avait pas été faite depuis plusieurs jours, ce qui rendait son pâle visage plus pâle encore, et sa veste avait grand besoin d'être raccommodée. « Nous pensions avoir plus de chances de vous trouver à l'heure du dîner, » fit Marguerite. « Nous aussi, nous avons eu notre affliction depuis que nous ne vous avons vu, » dit Mr. Hale. « Oui, oui, les afflictions sont plus communes que les dîners par les temps qui courent. Et l'heure du dîner pour moi, c'est toute la journée. On est toujours sûr de me trouver. »« Est-ce que vous êtes sans ouvrage ?» demanda Marguerite. « Oui, » répondit-il d'une voix brève. Puis, au bout d'un moment de silence, il ajouta, en levant les yeux pour la première fois, « Je n'ai pas besoin d'argent, ne le croyez pas. » Bess, la pauvre fille, avait une petite épargne sous son oreiller qu'elle voulait me glisser dans la main au dernier moment. « Et Marie taille des vestes de futaine, mais tout de même, je me trouve sans ouvrage. »« Nous devons de l'argent à Marie, » dit Mr. Hale, avant que la pression de la main de Marguerite sur son bras pût arrêter les paroles sur ses lèvres. « Si elle le prend, je la mettrai à la porte. Je demeurerai entre les quatre murs et elle demeurera dehors, voilà tout. Mais nous lui devons au moins des remerciements pour tous ses bons offices, » reprit Mr. Hale. « Je n'ai jamais remercié votre fille de ses bontés pour ma pauvre enfant, moi. » Je n'aurais jamais pu trouver les paroles que j'aurais voulu. Il me faudra les chercher maintenant, si vous commencez à parler du peu que Marie a fait pour vous servir. « C'est à cause de la grève que vous êtes sans ouvrage ?» demanda doucement Marguerite. « Il n'y a plus de grève, c'est fini pour cette fois. Je suis sans ouvrage parce que je n'en demande pas, et je n'en demande pas parce que les bonnes paroles sont rares et les mauvaises abondantes. » Il était d'humeur ce jour-là à prendre plaisir à répondre en énigme. Marguerite vit qu'il serait bien aise qu'on lui en demandât l'explication. « Et qu'entendez-vous par les bonnes paroles ?»« Demandez de l'ouvrage. Je compte que ce sont les meilleures paroles qu'un homme puisse dire à un autre. Donnez-moi de l'ouvrage, ça veut dire, et je le ferai comme un homme. Ce sont de bonnes paroles, celles-là. » »« Et dire de mauvaises paroles, c'est refuser de l'ouvrage à ceux qui en demandent ?»« Oui, ce sont de bonnes paroles que de dire à un homme. » « Ah, mon bel oiseau, vous avez été fidèle à votre consigne, je serai fidèle à la mienne. Vous avez fait du mieux que vous avez pu pour aider ceux qui avaient besoin d'aide. C'est votre manière d'être fidèle à vos principes, moi, je serai fidèle aux miens. Vous avez été un imbécile, un franc imbécile, mais honnête au moins, c'est fort bien. Allez au diable, il n'y a pas d'ouvrage pour vous. » Voilà de mauvaises paroles. Je ne suis pas un imbécile, et si je l'étais, ils auraient dû me montrer être sage à leur manière. Peut-être que je l'aurais appris si on s'était donné la peine de me l'enseigner. « Ne vaudrait-il pas mieux, » dit Mr. Hale, « aller demander à votre ancien patron s'il veut vous reprendre. Ce serait une faible chance peut-être, mais enfin, ça en serait une. » Higgins leva de nouveau les yeux sur son interlocuteur avec un regard pénétrant et laissa échapper un petit rire sec et amer. « Monsieur, s'il n'y a pas d'offense, je vous ferai une question ou deux à mon tour. » « Tant que vous voudrez, » répondit Mr. Hale. « Je présume que vous avez un moyen quelconque de gagner votre pain, car m'est avis que les gens de votre sorte ne viennent pas demeurer à Milton pour leur plaisir. Vous avez parfaitement raison. J'ai un peu de bien, mais je suis venu à Milton dans l'intention d'augmenter mon revenu en donnant des leçons. Oui, et en montrant aux gens ce qu'ils ne savent pas. Eh bien, il faut croire qu'ils vous payent pour cela, n'est-ce pas ?»« Oui, » reprit Mr. Hale en souriant. « C'est dans le but d'être payé que je me suis fait professeur. »« Et ceux qui vous payent, vous disent-ils ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire de l'argent qu'ils vous donnent en échange de vos peines ?»« Non, certainement. Ils ne viennent pas vous dire, vous avez peut-être un frère ou un ami qui vous est aussi cher qu'un frère et qui a besoin de quelques sous, pour une chose que vous et lui trouvez bonne. Mais il faut nous promettre de ne pas les lui donner. Vous voyez un placement qui vous convient pour votre argent, mais il ne nous convient pas à nous, et si vous le mettez là, nous n'aurons plus affaire à vous. Ils ne vous disent pas cela. Non, mille fois non. S'ils vous parlaient de la sorte, que feriez-vous? Il faudrait que je fusse dans un grand embarras pour penser à me soumettre à de semblables conditions. Aucun embarras sur la terre ne m'y ferait soumettre, moi, dit Nicholas Higgins. Maintenant vous y voilà. Vous avez le doigt sur la plaie. Vous avez touché, comme on dit, le taureau à l'œil. Chez Hamper, où je travaillais auparavant, on fait promettre aux ouvriers qu'ils ne donneront pas un penny pour aider l'Union ou empêcher les Turnhounds de mourir de faim. Ils peuvent promettre et faire promettre tout ce qu'ils voudront. Continua-t-il d'un air de mépris. Ils ne gagneront à cela que de faire des menteurs et des hypocrites, voilà tout. Et encore, c'est un moindre péché de mentir que d'avoir le cœur assez dur pour ne pas rendre service à ceux qui en ont besoin, et ne pas soutenir la bonne cause quand elle est opprimée. Mais je ne me parjurerai jamais, moi, pour tout l'ouvrage qu'un roi pourrait me donner. Je suis membre de l'Union parce que je crois que c'est une chose bonne pour l'ouvrier, et j'étais un turn-out moi-même. Je sais ce que c'est que de souffrir de la faim. Et si je gagne un shilling, il y en aura la moitié pour l'Union et pour les turn-outs, s'ils me le demandent. Conséquemment, je ne sais pas où je pourrais trouver à le gagner, ce shilling. Est-ce que cette condition de ne pas secourir les gens de l'Union est en vigueur dans toutes les fabriques? Demanda Marguerite. Je ne puis vous le dire. Tout ce que je sais, c'est que c'est un nouveau règlement dans la nôtre. Et je compte qu'ils se verront bientôt dans l'impossibilité de le maintenir. Mais pour le quart d'heure, il est en vigueur. Ils finiront par découvrir que les tyrans produisent des traîtres. Il se fit un silence. Marguerite hésitait à dire ce qui était dans sa pensée. Elle ne voulait pas irriter un homme qu'elle voyait déjà triste et découragé. À la fin, elle parla, mais avec une voix si douce et une manière qui montrait si clairement qu'elle craignait de dire quelque chose de désagréable, que Higgins ne se sentit pas blessé, mais embarrassé. « Vous rappelez-vous, dit-elle, que le pauvre Butcher disait un jour que l'Union était un tyran. Je crois même qu'il disait que c'était le pire de tous les tyrans, et je me souviens que dans le moment, je trouvais qu'il avait raison. » Higgins resta quelque temps sans répondre. Il avait la tête appuyée sur ses mains et regardait opiniâtrement le feu de sorte que Marguerite ne pouvait voir l'expression de son visage. « Je n'irai pas, dit-il enfin, que l'Union ne soit quelquefois obligée de contraindre un homme pour son bien. Je dis toujours la vérité. Un homme qui ne fait pas partie de l'Union mène une triste vie, mais une fois qu'il est dans l'Union, elle prend soin de ses intérêts mieux qu'il ne le ferait lui-même. La seule chance que les ouvriers aient de se faire rendre justice, c'est de se réunir. Plus il y aura de membres dans l'Union, plus chaque membre aura de chances de n'être pas opprimé. Le gouvernement prend soin des idiots et des fous, et si quelqu'un a la fantaisie de faire mal à son voisin, ou de se faire mal à lui-même, il l'en empêche, qu'il le veuille ou non. Et voilà ce que nous faisons, nous autres, de l'Union. Nous ne pouvons pas mettre les gens en prison, mais nous pouvons rendre à un homme la vie si dure qu'il se trouve obligé de venir à nous et d'être sage, et d'aider les autres en dépit de lui-même. Butcher a toujours été un imbécile, et plus imbécile encore à la fin qu'au commencement. « Est-ce qu'il vous ennuie ?» demanda Marguerite. « Je le crois bien. Nous avions pour nous l'opinion publique jusqu'au moment où lui et ses pareils se sont mis à faire des rassemblements et des émeutes. Du moment où ils n'ont plus respecté la loi, ça a été la fin de la grève. Eh bien, n'aurait-il pas beaucoup mieux valu le laisser tranquille et ne pas le forcer de se joindre à l'Union ? Il ne vous a fait aucun bien et vous lui avez tourné la tête. Marguerite, dit Mr. Hale à voix basse, car il voyait les nuages s'amonceler sur la physionomie de Higgins. Laissez-la dire, fit soudain ce dernier. Elle a raison de dire ce qu'elle pense, mais elle ne comprend pas ce que c'est que l'Union. C'est une grande force, c'est notre seule force. J'ai lu autrefois une pièce de vers qui parlait d'une pâquerette coupée en deux par le stock d'une charrue. Et ces vers m'ont fait venir les larmes aux yeux, car j'avais des larmes de reste. Mais je garantirais bien que le laboureur qui conduisait la charrue ne s'est pas détourné, malgré toute sa pitié pour la fleurette. Il avait trop de bon sens pour cela. L'Union, c'est la charrue qui prépare le sol pour la moisson. Les gens tels que Butcher, c'est lui faire trop d'honneur que de le comparer à une pâquerette. Il ressemblerait plutôt à une mauvaise herbe qui rampe sur la terre. Les gens tels que Butcher doivent se résoudre à être mis de côté. Je suis en colère contre lui pour le quart d'heure, et peut-être que j'en dis trop. mais il me semble que je ferai passer le stock de la charrue sur lui, le plus volontiers du monde. Pourquoi cela? Qu'a-t-il donc fait? Quelque chose de nouveau? Sans doute. Cet homme-là ne fait jamais que des sottises. D'abord, il a fallu qu'il allât par les rues, lui et les siens, crier et hurler comme un enragé, et donner ainsi un coup de pied à la grève. Ensuite, il allait se cacher, et il serait encore dans son trou, si Thornton l'avait fait poursuivre comme je l'espérais. Mais Thornton, ayant atteint son but, ne s'est pas soucié de faire mettre les émeutiers en jugement. Et alors Woodshaw est retourné tout penaud chez lui. Pendant un ou deux jours, il n'a pas osé se montrer, il a bien fait. Au bout de ce temps, devinez ce qu'il a fait, où il est allé? Eh bien, j'ai Hamper, Dieu le damne. Il est allé avec sa face de miel qui me fait mal au cœur à voir. Il a demandé de l'ouvrage, quoiqu'il connût parfaitement la nouvelle condition qu'on imposait de jurer de ne rien donner à l'Union, rien pour empêcher les misérables Turnzounds de mourir de faim, lui qui serait mort de faim lui-même si l'Union ne l'avait pas secouru dans sa détresse. Oui, il y est allé. Il a eu le front de promettre tout, de jurer tout, d'offrir même de dire tout ce qu'il savait de nos démarches et de nos projets, le traître, le propre à rien, le Judas. Mais je dois le dire à la louange de Hamper, et je lui en aurai obligation jusqu'à mon dernier jour, il a renvoyé Butcher sans vouloir l'entendre, sans vouloir écouter un mot, quoique ceux qui étaient présents disent qu'il pleurait comme un baby. Oh, c'est affreux, quelle pitié, s'écria Marguerite. Higgins, je ne vous reconnais plus. Ne voyez-vous pas que c'est vous qui avez rendu Butcher ce qu'il est, en le faisant entrer de force dans l'Union quand son cœur n'était pas avec vous? C'est vous, malheureux, qui l'avez mis où il est. Mis où il est, mais où était-il? Un bruit sourd et mesuré, augmentant toujours à mesure qu'il s'avançait dans la rue étroite, parvint en ce moment aux oreilles de nos trois interlocuteurs. On entendait des chuchotements, des bruits de pas qui semblaient non se mouvoir avec rapidité ou régularité, mais graviter autour d'un centre commun. Puis on entendit bientôt un son plus distinct. C'était comme la marche régulière et laborieuse d'hommes qui portent un lourd fardeau. Mr. Hale, Marguerite et Higgins s'élancèrent tous trois vers la porte, mus par une impulsion irrésistible, poussés non par une vaine curiosité, mais comme par un choc électrique. Six hommes tenaient le milieu de la rue, trois d'entre eux étaient des policemen, ils portaient sur leurs épaules une porte décrochée de ses gonds, et sur cette civière improvisée gisait le cadavre d'une créature humaine. De chaque côté de la porte tombaient incessamment de larges gouttes d'une eau bourbeuse. Tous les habitants de la rue étaient accourus pour voir, puis s'étaient mis à accompagner dans sa marche le triste cortège, et chacun interrogeait tour à tour les porteurs, qui, fatigués de répondre, ne le faisaient plus qu'à contre-cœur. Nous l'avons trouvé dans le ruisseau, au bout du champ, là-bas. Dans le ruisseau, il n'y a pas assez d'eau dedans pour noyer un enfant. Oui, mais c'était un gars résolu. Il s'est couché la face dans l'eau et s'est tenu là jusqu'à la fin. N'importe le motif, il faut qu'il ait été fameusement dégoûté de la vie. Higgins se glissa à côté de Marguerite et lui dit d'une voix faible et chevrotante. Ce n'est pas John Butcher. Oh non, il n'avait pas assez d'énergie. Bien sûr, ce n'est pas John Butcher, mon Dieu. Les voilà qui regardent par ici. Écoutez, j'ai un bourdonnement dans les oreilles, je ne puis rien entendre. Les porteurs posèrent la porte soigneusement sur des pierres qui se trouvaient là, et tout le monde put voir le pauvre noyé dont les yeux vitreux, à moitié ouverts, semblaient regarder vaguement le ciel. Sa face était gonflée et défigurée à cause de la position dans laquelle on l'avait trouvé. Outre cela, la peau du visage était maculée de larges taches noirâtres, produites par l'eau du ruisseau dans laquelle on avait rincé des étoffes sortant de la teinture. Le sommet de la tête et le front étaient chauves. Les cheveux étaient longs et clairsemés par derrière et séparés en plusieurs mèches dont chacune servait de conduit à l'eau qui dégouttait du cadavre. Bien qu'il fût ainsi défiguré, Marguerite reconnut John Butcher. Elle fut si choquée de voir ce pauvre visage contracté par les convulsions de l'agonie, souillé par la boue et la teinture, exposé au regard curieux de la foule, que par un instinct religieux elle s'avança et le couvrit de son mouchoir. Tous ceux qui l'avaient vu remplir ce pieux office la suivirent des yeux comme elle retournait à l'endroit qu'elle avait quitté, et où Nicholas Higgins restait immobile, comme pétrifié et cloué au sol. Les porteurs échangèrent quelques paroles, puis un d'entre eux s'avança vers Higgins, qui aurait voulu pouvoir entrer dans la maison. « Higgins, tu le connaissais ?»« Il faut que tu ailles prévenir sa femme. Fais-le doucement, mon garçon, mais fais-le vite, car nous ne pouvons le laisser longtemps là. »« Je ne puis y aller, » dit Higgins. Ne me demandez pas cela. Je n'aurai jamais la force de me trouver en face d'elle. Tu la connais pourtant mieux que nous, reprit le porteur. Nous avons fait assez en le rapportant ici. Prends ta part de la besogne. Je ne le puis, dit Higgins. Je suis renversé rien que de le voir. Nous étions fâchés, et maintenant il est mort. Eh bien, puisque tu ne veux pas, tout est dit. Il faut pourtant bien que quelqu'un s'en charge. C'est une rude tâche, à la vérité, mais ce sera un miracle si elle ne l'apprend pas tout subitement, et ça lui fera plus de mal que si on le lui disait par degrés. Allez-y, papa, dit tout bas Marguerite. Si je pouvais, si j'avais le temps de penser à ce qu'il voudrait mieux dire, mais comme cela, tout d'un coup... Marguerite vit bien que cette tâche était au-dessus des forces de son père. Il tremblait de la tête aux pieds. « J'irai, moi, » dit-elle. « Dieu vous bénisse, miss. Ce sera une bonne action. » Car la pauvre femme est bien maladive et elle ne connaît presque personne par ici. Marguerite frappa à la porte fermée, mais il se faisait un tel bruit à l'intérieur, il y avait une telle confusion de voix d'enfants turbulents, qu'elle ne put savoir si on lui avait répondu ou même si elle s'était fait entendre. Et comme chaque instant de retard lui faisait trouver plus pénible la tâche difficile qu'elle venait d'entreprendre, elle leva le loquet et entra, puis referma la porte sur elle et mit le verrou, sans que la femme s'en fût seulement aperçue. Mrs. Butcher était assise dans une espèce de fauteuil au coin d'un foyer en désordre. La chambre semblait n'avoir pas été faite depuis plusieurs jours. Marguerite dit quelque chose en entrant. Elle savait à peine quoi. Son gosier et ses lèvres étaient desséchés et le bruit des enfants l'empêchait complètement d'être entendu. Elle recommença. « Comment vous trouvez-vous, Mrs. Butcher? Vous paraissez bien souffrante. »« Je n'ai guère la chance de me guérir, » répondit-elle aigrement. « Je suis seule pour m'originer tous ces marmots, et je n'ai rien à leur donner pour les tenir tranquilles. John n'aurait pas dû me quitter pendant que je suis si malade. Combien y a-t-il de temps qu'il est parti ? 4 jours. Personne ici n'a voulu lui donner d'ouvrage, de sorte qu'il a filé sur Greenfield. » Mais il devrait être de retour, ou m'avoir fait dire s'il a trouvé à s'occuper. Il aurait bien pu. Ne le blâmez pas, dit Marguerite. Il a eu assez de chagrin, j'en suis sûr. Veux-tu te taire et me laisser entendre ce que dit la dame ? Reprit la mère en s'adressant d'une voix aiguë à un petit bambin de 15 à 18 mois. Elle continua, par manière d'excuse, à Marguerite. Il est toujours à me demander après papa et des tartines, mais je n'ai pas de tartines à lui donner, et son père est bien loin. Il nous a tous oubliés, je commence à le croire. Ce marmot-là est le favori de son père, dit-elle, et par un soudain revirement d'humeur, elle attira l'enfant sur ses genoux et l'embrassa à plusieurs reprises avec tous les signes d'une vive tendresse. Marguerite posa sa main sur le bras de Mrs. Butcher, comme pour réclamer son attention. Leurs yeux se rencontrèrent. Pauvre petit, dit lentement Marguerite, c'était le favori de son père. C'est le favori de son père, reprit la femme, et se levant tout d'une pièce et se posant en face de Marguerite, toutes deux se regardèrent quelque temps sans parler. Puis Mrs. Butcher recommença d'une voix sourde et grondeuse, qui prenait un caractère d'égarement à mesure qu'elle avançait dans son discours. Il est le favori de son père, je vous le dis. Les pauvres aiment leurs enfants tout autant que les riches. Eh bien, pourquoi ne répondez-vous pas ? Pourquoi me regardez-vous comme cela, avec vos grands yeux tristes ? Où est John ? Et toute faible qu'elle était, elle secoua rudement Marguerite pour la forcer à répondre. « Oh mon Dieu ! » dit-elle enfin, comprenant le muet langage du regard plein de larmes de la jeune fille, et elle retomba sur son siège. Marguerite prit l'enfant et le mit dans les bras de sa mère en disant « Il l'aimait. »« Oui, » dit la femme secouant la tête, « il nous aimait tous. » Nous avions au moins quelqu'un pour nous aimer. Mais avec il y a longtemps. Mais lorsqu'il était en vie et là avec nous, il nous aimait. C'était peut-être le baby qu'il préférait. Mais il m'aimait, je l'aimais aussi, bien que je me sois plainte de lui il y a 5 minutes. Mais êtes-vous sûr qu'il soit mort ? Ajouta-t-elle en essayant de se relever. Si c'est seulement qu'il soit malade et sur le point de mourir, il peut revenir encore. Je suis bien malade, moi, depuis longtemps, et pourtant je vis toujours. Mais il est mort, lui. Il est noyé. On a vu plus d'un noyé revenir. Mais où je la tête, de me tenir là sans bouger, tandis qu'il y a tant à faire. Allons, tais-toi, mon enfant, tais-toi. Prends ceci. Prends ce que tu voudras pour jouer, mais ne crie pas, car tu me fends le cœur. Hélas, qu'est devenue ma force ? Oh, John, mon pauvre mari. Marguerite empêcha la pauvre femme de tomber en la retenant dans ses bras. Elle s'assit dans le fauteuil, le corps de la femme posé sur ses genoux et sa tête sur son épaule. Les enfants, qui à l'apparition de la dame s'étaient rassemblés dans un coin, commencèrent à comprendre le sens de cette scène de douleur. Mais l'intelligence venait lentement à leur esprit obtus. Cependant, lorsqu'ils eurent deviné l'affreuse vérité, ils poussèrent tous ensemble une clameur qui fendit le cœur de Marguerite. Les cris du petit Johnny étaient encore plus perçants que les autres, bien qu'il ne sût guère le pauvre enfant pourquoi il criait. La mère, toujours évanouie, tressaillit faiblement dans les bras de Marguerite. Celle-ci entendit du bruit à la porte. « Ouvrez, ouvrez vite !» dit-elle à l'aîné des enfants. « Le verrou est à la porte. Retire-le sans faire de bruit et ne bougez plus. Oh, mon père !» Faites monter les hommes avec précaution, tout doucement, qu'elles ne les entendent pas. Elle est sans connaissance, mais ce ne sera rien. « Cela vaut tout temps pour elle, la pauvre créature, » dit une femme qui était à la suite des funèbres porteurs. « Mais vous n'êtes pas assez forte pour la tenir. Attendez, je vais aller chercher un coussin, et nous la poserons doucement par terre. » Cette voisine obligeante fut d'un grand secours à Marguerite. Évidemment, elle ne connaissait pas la maison, c'était une nouvelle habitante du quartier. Mais elle paraissait si bonne, si active et si prévoyante, que Marguerite sentit que sa présence à elle n'était plus nécessaire, et qu'elle ferait peut-être bien de donner l'exemple du départ, car la chambre se trouvait encombrée de spectateurs oisifs autant que sympathiques. Elle chercha des yeux Nicholas Higgins, il n'était pas là. Elle s'adressa donc à la bonne voisine qui avait eu l'idée de coucher Mrs. Butcher par terre. « Ne pourriez-vous pas leur faire entendre qu'il vaut mieux la laisser tranquille pour l'instant, de manière qu'elle ne voit autour d'elle qu'un ou deux visages de connaissance quand elle reprendra ses sens. Mon père, parlez à ces hommes et tâchez de les faire sortir. La pauvre femme manque d'air. Elle ne peut respirer librement avec cette masse de gens autour d'elle. » Tout en disant ces paroles, Marguerite, agenouillée sur le plancher auprès de Mrs. Butcher, lui bassinait les tempes avec du vinaigre. Au bout de quelques minutes, elle sentit un courant d'air frais sur son visage. Elle leva les yeux et vit son père et la voisine secourable échanger un sourire d'intelligence. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Il y a que cette bonne dame a trouvé un excellent expédient pour faire évacuer la place. J'ai dit aux femmes de s'en aller, d'emmener chacune un des enfants, et de bien réfléchir qu'ils sont orphelins, les pauvres innocents, et que leur mère est veuve. C'était à qui en aurait un, et les petits sont sûrs d'avoir l'estomac plein aujourd'hui et d'être bien caressés. Sait-elle comment est mort son mari ? « Non, » dit Marguerite, « je n'ai pu lui dire tout à la fois. Il faut qu'elle le sache, à cause de la justice qui viendrait faire l'enquête. Tenez, la voilà qui revient. Est-ce vous qui le lui direz, ou moi ? Peut-être vaut-il mieux que ce soit votre père ?»« Non, vous plutôt, » dit Marguerite. Elles attendirent en silence qu'elle eût complètement recouvré ses sens. La voisine s'assit par terre et appuya sur ses genoux la tête de Mrs. Butcher. « Voisine, » dit-elle. « Votre homme est mort. Savez-vous de quelle manière ?»« Il est mort noyé, » dit Mrs. Butcher d'une voix faible. Il se mit à pleurer à cette rude et brusque manière de sonder la plaie. « On l'a trouvé noyé, c'est vrai. Il revenait, ayant perdu tout espoir sur terre. Il a pensé que Dieu ne serait pas plus dur que les hommes, et peut-être pas si dur, qu'il le trouverait peut-être bon et sensible, comme une mère, peut-être encore plus sensible. » Je ne dis pas qu'il est bien fait. Je ne dis pas qu'il est mal fait. Tout ce que je peux dire, c'est que je prie Dieu de me garder, moi et les miens, d'avoir le cœur aussi affligé que lui, car nous pourrions alors faire chose pareille. Et dire qu'il m'a laissé seul avec tous ses enfants, dit la veuve en gémissant, moins frappée du genre de mort de son mari que Marguerite ne s'y attendait. Mais c'était un effet de sa nature faible et molle, qu'elle se préoccupa surtout de cette perte en ce qui la concernait, elle et ses enfants. « Non, pas seul, » dit Mr. Hale d'un ton solennel. « N'y a-t-il pas quelqu'un qui sera avec vous, qui a promis de prendre en main votre cause ?» La pauvre veuve ouvrit de grands yeux et regarda le nouvel interlocuteur dont elle n'avait pas encore remarqué la présence. « N'a-t-il pas promis d'être le père des orphelins ? » continua-t-il. « Mais j'ai 6 enfants, mon bon monsieur, et l'aîné n'a pas 8 ans. Ce n'est pas que je doute de la puissance de Dieu, » ajouta-t-elle. « Mais il faut une grande foi pour ne pas désespérer dans l'affliction où je me trouve. »« Elle pourra mieux vous entendre demain, monsieur, » fit la voisine. « La meilleure consolation pour elle dans ce moment serait d'avoir un de ses enfants sur son cœur. Je suis fâché qu'on ait emmené le baby. »« Je vais aller le chercher, » dit Marguerite. Elle sortit et rentra au bout de quelques minutes, tenant Johnny dans ses bras. Le visage de l'enfant était tout barbouillé de confiture, et ses mains chargées de trésors sous la forme de coquillages et de morceaux de cristal, sans compter la tête d'une figure de plâtre. Marguerite le mit dans les bras de sa mère. « C'est bien, » dit la bonne femme. « Maintenant, vous pouvez partir. Ils pleureront ensemble. Ils se consoleront l'un l'autre mieux qu'âme qui vive ne pourra le faire. Je resterai avec elle tant qu'elle aura besoin de moi, et si vous venez demain, vous pourrez lui parler raison, et elle vous entendra. Mais pour aujourd'hui, il n'est pas moyen d'y penser. » Comme Marguerite et son père remontaient la rue, ils s'arrêtèrent à la porte de Higgins. Elle était fermée. « Entrerons-nous, Marguerite ?» dit Mr. Hale. « Je pensais à lui tout à l'heure. » Ils frappèrent. On ne répondit point. Ils essayèrent de lever le loquet. La porte était fermée en dedans, mais ils crurent entendre remuer à l'intérieur. « Nicolas !» dit Marguerite. Point de réponse. Croyant s'être trompés, ils allaient se retirer lorsqu'ils entendirent un bruit comme celui d'un livre qu'on laisse tomber à terre. « Nicolas !» dit une seconde fois Marguerite. « C'est nous, nous seulement. Ne voulez-vous pas nous ouvrir ?»« Non, je l'ai dit assez clairement sans parler quand j'ai verrouillé ma porte. J'aime autant être seul aujourd'hui. » Mr. Hale allait insister. Marguerite posa son doigt sur les lèvres de son père. « Cela ne m'étonne pas, » dit-elle. « Il me tarde aussi de me trouver seul. C'est tout ce qu'on peut désirer après une journée comme celle-ci. »